Oh, je voudrais que plus jamais personne ne vienne frapper à ma porte. Oh, je voudrais que mes derniers copains me posent un dernier lapin, un beau matin devant ma porte. Le soir, je balayerai devant ma porte toutes mes espérances mortes. Je les mettrai à la rigole pour que les diables les emportent. Et puis quand j'aurai assez ri, je m'assiérai tout contre lui, j'aurais mis la clé sous la porte, je parlerai à mon cloporte. Je traverserai le pot des regrets sans soupirer, sans peur. Je distribuerai les sourires complets aux chiens des convoyeurs. Et puis le front levé et la lèvre pendante, sans envie mais poussé au cul par les suiveurs. Je viendrai me placer dans la file d'attente, sous la voûte obscurcie de funèbres vapeurs. La journée sera comme un soir qui tombe, j'allumerai mes feux. Aux appels de phare venus d'outre-tombe, je fermerai les yeux. Et si le flot montant des âmes voyageuses m'entraîne jusqu'au jour qu'on devine au-delà, en lisant sur le mur, éteignez vos veilleuses, je saurai qu'est venu le moment d'être là. De noblesse. Napoléon devant Moscou disait, je vais faire un mauvais coup. Mais quand il a porté la main à son gilet, il a dit, je me demande où ce qu'elle est. Il disait, je vais brûler tout ça, c'est autant que les Prussiens n'auront pas. Seulement sa boîte d'alouf, il l'avait oubliée sur un pouf au coin de son atelier. J'ai prêté les miennes, bien entendu, mais ce qu'on l'a me les a jamais rendues. J'ai écrit plusieurs fois, mais Sainte-Hélène, c'est loin, et puis j'aime pas tellement faire du foin. Maintenant j'ai plus du tout d'allumettes, et c'est quand je veux fumer que j'ai l'air bête. Fallait pas les donner tout d'un coup, c'est idiot, je suis encore plus con que la radio. Nous nous traînions sur la neige en décembre, dans des camions harcelés par les chiens. Nous écoutions battre le cœur des anges, nos chants gelés sur le bord du chemin. Parfois la nuit s'allumait des guirlandes, du fond des cieux quelqu'un veillait sur nous, en attendant qu'un jour il en descende. Jeunes et vieux se jetaient à genoux. Rien ne freinait notre course inutile, nous n'arrivions jamais chez nos voisins, et nous suivions le maigre volatile, archange vieux, douceur chérubin. Sous nos essieux se creusaient les ornières, rien ne fondait sur nous que les flocons, enfants perdus pour le ciel et la terre, qui plus que nous pouvait avoir l'air con. Il n'est pas très fréquent de trouver en chemin un crocodile âgé qui vous tende la main, qui vous serve de guide au pays des humains et qui verse des pleurs quand on a du chagrin. J'ai promené le mien dans les grands magasins, je lui ai procuré un carton à dessin et toutes les affaires dont il avait besoin, un costume habillé et des souliers en daim. Il me gratte le dos quand je suis dans mon bain, il fait les commissions, fréquente les voisins, même avec la voisine il est assez câlin, et c'est lui qui répond aux lettres des cousins. Mais on l'a rappelé un jour chez les sauriens, j'ai dit tu reviens quand, il m'a dit j'en sais rien. Je me gratte le dos quand je suis dans mon bain, et je verse des pleurs lorsque j'ai lu chagrin. C'est ça. Je ne suis pas de ceux qui pensent, je suis de ceux qui ne pensent pas. Je suis comme ça depuis l'enfance, on l'a toujours pensé pour moi. Je ne suis pas de ceux qui pensent, je pense que je suis pas né pour ça. J'ai beau secouer mon front immense, drôlin, drôlin, ça marche pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent, ni même de ceux qui ont pensé. Dans mon cerveau, c'est le silence, comme ça y a rien à effacer. Je ne suis pas de ceux qui pensent, c'est pas faute d'avoir essayé. Mais je sais pas comment on commence, puis ça donne chaud, faut s'essuyer. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut penser pour exister. Leur cogito, moi je m'en balance, c'est rien qu'un truc pour m'embêter. Je ne suis pas de ceux qui pensent, peut-être bien que j'existe pas. Ça fait tout drôle quand on y pense, heureusement que je ne pense pas. Tu me dis que je brame comme un cerf au printemps, que je montrais ma flamme comme un orang-outan. Mais c'est que moi quand j'aime, c'est jamais pour longtemps, je redeviens moi-même avant d'être content. Il y en a qui aiment avec des trémolos, qui disent les je t'aime, moi je me jette à l'eau. Je te préviens ma fille, je travaille au galop, et plus tu seras gentille, plus je serai salaud. Tu n'es pas la première que je trouve en chemin, tu fais encore la fière, mais attends au demain. Si un regret t'effleure, que je n'ai rien d'humain, moi j'aime que l'on pleure quand on est dans mes mains. Viens donc dans ma chambrette, en haut des escaliers, tu verras comme c'est chouette, les pieds et les mains liés. Je saurai te surprendre avec un tisonnier, je saurai te suspendre un moment par les pieds. Pour éprouver cette idée. Chaque matin, je me réveille. Au moment où j'ouvre les yeux, je retrouve la vie pareille. On devrait pourtant trouver mieux. La vie dure, cela m'effraie, et j'en oublie d'être joyeux. Il y a 58 ans que j'essaye gentiment de devenir vieux. Chaque matin, devant la glace, je trouve un oiseau presque humain, avec un sourire gris qui masque un peu la peur d'être demain. Nous sommes de la même race, au pédigré bien incertain. Il y a 58 ans que m'agace la vue de cet oiseau chagrin. Chaque matin, quand je me lève, j'aimerais mieux me recoucher. Je demande encore une trêve avant d'être pieds au plancher. Mais les heures filent comme un rêve, les années y sont accrochées. J'en trouve à moins qu'on m'en enlève 58 en train de sécher. L'écureuil a glissé de sa voix familière, l'été cassé s'en va s'enfermer sa maison. Indécent, nous restons les eaux de la rivière, se charge des pensées que tout bas nous taisons. Il te faut supporter les couleurs de l'automne, leur vaine crudité dans les champs, les corbeaux. Ce dandy ne pour rien n'attend plus personne, ton ombre t'a quitté pour des pays plus beaux. On chuchote dehors, on voudrait que tu sortes. Qui donc as-tu chargé de venir te chercher? Cet ami trop pressé qui tâtonne à ta porte. C'est l'hiver, désolé, autant rester couché. Sélection des candidats. C'était une bête à histoire. On te l'est fermé dans l'armoire, avec à manger et à boire toute la journée. Là-dedans, il montait la garde. Fallait surtout pas qu'on regarde, sinon il sentait la moutarde lui monter au nez. Coucher, vilain chien, coucher, bas les pattes. Coucher, vilain chien, gare à ma savate. Nous regarde pas comme ça, ta maîtresse aime pas ça. C'est bien son droit. En ce temps-là, j'étais jeunette, je venais chercher des serviettes. J'ai ouvert la porte à la bête, nous fûmes nez à nez. Je redoutais les morsures, mais il m'a léché la figure, comme si j'étais de confiture, toute badigeonnée. Coucher, vilain chien, coucher, bas les pattes. Coucher, vilain chien, gare à ma savate. Ne regarde pas comme ça, la maîtresse aime pas ça, c'est bien son droit. C'est peut-être vrai que c'est bestiole, ça aboie plus souvent que ça miaule, mais faut pas renverser les rôles, car imaginez, si ces pauvres chiens mordaient leur maître, chaque fois que ceux-ci les envoie paître, vous ne sauriez plus où vous mettre, quand vous ordonnez. Couchez, vilain chien, couchez, bas les pattes, couchez, vilain chien, gare à ma savate, ne regarde pas comme ça, ta maîtresse aime pas ça, c'est bien son droit. pour Athènes. Faites-lui les poches, ouvrez-lui les yeux, bon Dieu qu'il est moche, ton petit amoureux. Les yeux dans les poches, les pas malheureux, faites-lui les poches, ouvrez-lui les yeux. Papa le voulait, maman l'a permis, mais dans quel état tu l'as mis? Les poches crevées et les yeux pochés, je crois qu'il est temps de le renvoyer. Je lui tiens la jambe, tourne-lui le dos, dans l'autre famille, on n'est pas manchot. Je lui serre la main, serre-lui les pieds, dans l'autre famille, on est familier. Papa le voulait, maman l'a permis, mais dans quel état tu l'as mis? Attends juste avant de le renvoyer, coupe-lui les jambes, casse-lui les pieds. Mon amour ne bat que d'une aile, celui de l'air embarrassé. Il vole bas dans les ruelles, se casse la gueule dans les fossés. On les mettrait à la poubelle, mais il faudrait le ramasser. Pour un amour qui bat de l'aile, c'est pas la peine de se baisser. Quand un amour replie ses ailes, c'est pas plus gros qu'un chat mouillé. On veut le sécher dans la dentelle, ça avait clair de l'ennuyer. Ou le réchauffe dans la flanelle, mais y a plus grand chose à couver. Quand un amour replie ses ailes, le mieux serait de l'achever. Si mon amour battait les ailes, je lui dirais de s'envoler. Peut-être loin de la cruelle, on pourrait encore rigoler. Mais c'est en vain que je l'appelle, il ne veut pas se relever. L'amour qui ne bat plus des ailes, c'est aussi drôle qu'un rat crevé. Un soir on a sonné et voilà c'était toi. Tu as porté ton eau et pas de pyjama. Tu as passé la nuit, tu as mangé des noix, et même tu courais avec moi dans les bois. Un soir on a sonné, et parfois c'était toi. Tu t'es assise si doucement près de moi, avec un peu le bruit de pigeons sur le toit. On voudrait le garder, on lui donne à manger, je t'ai laissé bouger, tu n'as rien dérangé. Tu restais doucement assise près de moi. Merci petit Jésus pour ce joli jouet, comme un train électrique qu'on regarde tourner. C'est vache de rester accroupi dans son pré, à regarder les trains sans jamais les toucher. Merci quand même petit Jésus pour ce jouet. Cet hiver mon enfant, cet hiver c'est l'hiver. Encore une journée, ça commence à bien faire. Cet hiver, mon enfant, cet hiver, c'est l'hiver. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Cet hiver, mon enfant, c'est la vie à l'envers. Quand je cours en avant, je regarde en arrière. Cet hiver, mon enfant, c'est la vie à l'envers. Mais l'envers vaut l'endroit, il n'y a rien derrière. Cet hiver, mon enfant, cet hiver, c'est l'enfer. Encore une journée, et je ne sais qu'en faire. Cet hiver, mon enfant, cet hiver, c'est l'enfer. Je vais aller dormir près du calorifère.